Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Nous inclinons nos têtes. Dieu, notre Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes encore une fois assemblés cet après-midi pour t'exprimer notre reconnaissance de ce que tu as fait dans la vie de tout un chacun. Nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus-Christ pour te dédier nos vies, nos corps, notre force. Agrée maintenant ce rassemblement, pas à cause de notre justice ou à cause de nos bonnes œuvres, mais à cause du sang et de l'offrande de Jésus. Ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel, ce sang qui a fait l'expiation de nos péchés, et ce sang qui nous a sanctifiés, et ce sang qui a purifié totalement notre être. T'en supplions encore cet après-midi. Viens nous aider, Seigneur. Tiens chacun de nous par la main. Fais-nous marcher dans tes voies. Révèle-toi à nos cœurs. Seigneur, car la foi véritable est une révélation de ta part. Révèle ta parole à nos cœurs, Seigneur. Dis-nous ce que tu attends de nous véritablement. Et donne la conviction à chaque cœur pour que nous puissions marcher comme tu l'exiges. Nous le demandons avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous saluons nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne. Que les riches bénédictions de la part du Seigneur reposent sur chacun de vous. Nous nous levons pour prendre l'écriture. C'est 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 5. En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse les portions de l'Écriture. Nous poursuivons toujours avec notre sujet. Vous allez comprendre tous que le souci du Saint-Esprit, comme au temps de Paul et comme aujourd'hui, c'est de ramener l'Église sous le règne de la parole. Ah. Parce que si un frère ou une sœur n'accepte pas le règne de la parole de Dieu dans sa vie, tu seras sous le règne de notre esprit. C'est ce que Paul appelait un autre Jésus. Et en faisant cela, vous attirez des esprits séducteurs sur vous. De Corinthiens chapitre 11 dit ceci. De Corinthiens chapitre 11, wa Korinto wa pili sura 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, kwani kama mtu anakuja kumhubiri Yesu mwingine, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que ce que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est-à-dire, ne supportez pas dans votre vie autre chose qui n'est pas la parole de Dieu. Même si ce sont de bons raisonnements qui s'élèvent en vous, ou de bonnes pensées, dès lors que c'est ce qui s'élève en toi, ma sœur, ou en toi, mon frère, s'oppose à la parole, tu es dans l'obligation de rejeter ce qui vient de toi et de garder ce qui vient de Dieu. Et ça, ce n'est pas demandé aux membres d'église seulement. C'est une chose qui doit être d'application. Et pour moi-même, pour chaque frère et pour chaque sœur. C'est ainsi que vous voyez Paul avertissait déjà l'église en ce temps-là, en disant que quand vous supportez autre chose qui ne vienne de la parole, rassurez-vous, vous recevrez un autre esprit. Néanmoins, vous resterez dans l'église. Quand vous supportez déjà dans votre conduite des choses qui ne sont pas de la, une pratique quelconque qui n'est pas la parole de Dieu, vous recevez un autre Jésus, vous recevez un autre esprit. C'est ainsi que Paul, déjà en ces temps-là, regardez le 2 Corinthiens chapitre 10, il leur disait ceci déjà. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Oui, Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Déjà en ce temps-là comme aujourd'hui, il y a des puissances qui s'élèvent. Il y a des esprits qui s'élèvent. Ça ne s'élève pas en l'air, ça s'élève dans des cœurs des gens. Il y a des raisonnements qui s'élèvent dans des cœurs des gens. Il y a des pensées qui s'élèvent dans des cœurs des esprits des gens. Et il dit, nous n'utilisons pas contre tout ce qui s'élève dans nos cœurs, nos pensées ou nos esprits, nos raisonnements. Tout ce qui attire nos cœurs, nos esprits, nous n'usons pas de notre capacité pour faire face à ça. Les seules armes que Dieu nous donne, c'est sa parole. C'est ainsi que vous allez remarquer, regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Et verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Il est le Seigneur, il n'est pas un des seigneurs. Il est l'unique qui doit dominer. Et le Seigneur Jésus, il est la parole et il est l'esprit. Donc quand quelqu'un reçoit le Seigneur, cet homme-là recevra l'esprit du Seigneur. Quand quelqu'un marche dans la voie du Seigneur, il doit être conduit par l'Esprit du Seigneur. Quand quelqu'un reçoit l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit doit venir vers cet homme ou vers cette femme-là. Mais quand vous supportez autre chose qui ne vient pas du Seigneur, automatiquement vous vous placez sous l'emprise de notre esprit. Et déjà en ce temps-là comme maintenant, nous ne voulons pas que nos frères et nos sœurs soient sous le dictat de notre esprit. Amen. Nous voulons que tous nous soyons sous le dictat du Saint-Esprit. Et regardez que fait cet évangile, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Qu'est-ce vient faire la parole de Dieu comme une lumière? Elle exalte seulement Jésus-Christ. Elle révèle seulement que Jésus-Christ, c'est lui Dieu. Et qu'est-ce vient faire la parole dans nos cœurs, frères et sœurs? C'est uniquement pour donner gloire à Jésus-Christ. C'est ainsi que tout ce que nous devons vous faire, tout ce que nous devons dire, nous devons rechercher à tout prix que cela soit pour la gloire du Seigneur. Et l'unique Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que regardez, l'homme naturellement, comme je le disais autrefois, aime imiter. L'homme est né pour être un imitateur. Et cela n'a pas eu seulement lieu dans les âges passés, cela est d'actualité même maintenant. L'homme se sent consolé seulement quand il a imité quelque chose. Et la chose, l'unique chose que nous devons imiter, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Mais, observez que nous sommes enclins toujours à chercher autre chose que la parole de Dieu. Amen. C'est ça la nature de l'homme. Même quand il est sauvé, il est toujours penchant à chercher autre chose qui n'est pas la parole de Dieu. Mais nous mettons beaucoup d'accent sur ça parce que c'est notre responsabilité de toujours chercher la volonté du Seigneur en toutes choses. Hier, en terminant, je voulais vous lire une citation de Frère Branham. Je ne sais pas si je l'ai lu, mais je crois l'avoir pas lu. C'est dans « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes ». Prédication du 3 septembre 61. Maubiri 3 septembre 1961. Que votre lumière Nuruyenu luise ainsi devant les hommes. Yangare ivi mbele ya batu. Ou le panneau publicitaire. Ao ile lubao ya kutangaza nayo. Je vous avais lu la citation 46. Regardez la citation 45. Écoutez comment le Saint-Esprit parle. D'abord, citation 44. Il dit, nous sommes les panneaux publicitaires de Christ. Christ est notre sponsor. Il pose la question, si Christ est notre sponsor, quel genre de personne devriez-vous être pour que Christ soit votre sponsor? Je crois que la citation que je recherche, ce n'est pas... Attendez. Je crois que ce n'est pas ça. Oui. Je crois que j'ai mal repris ça dans mon cahier. Oh, je crois que j'ai mal pris le numéro. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Je m'excuse vraiment. Il dit ceci. J'ai oublié le numéro. Voilà, je résume la chose. Il dit, si sincèrement nous sommes les panneaux publicitaires de Christ, vous savez ce que fait tout panneau ici publicitaire. Avant de faire la publicité, toute entreprise ici, elle doit s'assurer qu'elle a un produit qui est différent de tout autre produit ordinaire qu'on vend sur le marché. Et si nous sommes des panneaux publicitaires de Christ, c'est-à-dire nous devons avoir quelque chose de particulier que le monde n'a pas. Nous devons avoir une nature que le monde n'a pas, un esprit que le monde n'a pas, pour se déclarer être les panneaux publicitaires de Christ. Et il pose maintenant la question, si il en est ainsi que nous avons quelque chose qui est hors du commun des mortels, quelle personne devrions-nous être? Nous devrions en ce moment ici, voilà, je crois retrouver maintenant la citation, oui, nous devrions en ce moment ici, amener les gens à chercher véritablement le produit dont nous faisons la publicité. Vous voyez, je donne un exemple, une illustration simple. Vous vendez un jus et vous êtes rassuré que votre jus est un jus bio. Il n'y a rien de chimie dedans. Et que vraiment, vous en êtes convaincu. Maintenant, en faisant la publicité, vous devez faire tout pour amener les gens à vous croire. Et que si jamais les gens venaient, en goûtant votre jus, réellement eux-mêmes vont conclure que c'est différent de tous les jus que nous avons sur le marché. Amen. Et maintenant, nous aussi également, il faut que quand le monde nous regarde, quand le monde nous approche et quand le monde nous goûte, il faut que le monde déclare haut et fort que réellement on peut mal parler du nouveau christianisme, mais ceci est différent de tout ce que nous avons comme christianisme dans les églises. Il faut que la personne qui approche la sœur, la personne qui approche le frère, réalise que ça, c'est ça le christianisme biblique. C'est différent de tous ces mouvements religieux. Pourquoi devons-nous agir ainsi? Ou pourquoi devons-ils parler comme ça? C'est seulement quand la sœur ou le frère sera totalement soumis ou accepté de demeurer sous le règne de la parole de Dieu. Parce que quand la personne en question n'est pas sous le règne de la parole, on peut beau parler, on peut beau chanter, on peut beau vanter ce bâtiment ou ce tabernacle, mais les gens seront curieux. Ils approcheront la sœur, ils approcheront le frère, mais ils seront déçus. Regardez ce que font les publicités d'aujourd'hui. Même sur les réseaux sociaux, ils vous vantent leurs produits. Ils vous disent combien ça peut faire ceci, ça peut faire cela. Mais par curiosité, vous achetez et vous êtes les premiers à être déçus. Et c'est ce que nous faisons dans la majeure des cas. Pourquoi nous vantons combien nous sommes détenteurs de la vérité? Nous vantons combien nous connaissons les dieux véritables. Nous proclamons haut et fort combien c'est l'unique église qui a la vérité à Kambo. Mais les mêmes habitants de Kambo qui nous entendent et qui nous regardent, quand ils viennent auprès de nous, nous dégageons l'odeur de ce que nous proclamons. contraire de ce que nous proclamons. Amen. Amen. Au lieu qu'on trouve véritablement le Christ ressuscité, mais on trouve un autre esprit, on trouve un autre Jésus qui dégage une autre odeur que l'odeur du véritable Christ. Et ça, nous sommes responsable de cet échec-là. Nous sommes responsables de ce désarroi que les gens trouvent aujourd'hui. Parce qu'ils viennent vers la chose, semble-t-il, qui est la véritable. Mais ils trouvent une fausse chose. Mais de la bouche, nous proclamons autre chose. Mais en réalité, nous sommes tout autre chose que ce que nous proclamons. Et c'était ça la maladie des gens même en ces temps-là. Amen. Pourquoi le Corinthien ou les chrétiens de Corinthe proclamaient combien ils avaient été richement bénis du point de vue de la parole et de la connaissance. Mais, en les approchant, Paul même leur dit, vous n'avez pas l'odeur de Christ que vous semblez avoir reçu. Il leur dit ça. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Suivez calmement ça. Verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 15. Nous sommes en effet pour Dieu. Voilà ce que doit être un chrétien. Pour Dieu, chaque frère, chaque soeur doit être le parfum de Christ. C'est-à-dire, pour Dieu, selon Dieu, le frère, la soeur qui déclare qu'il a cru au Seigneur, c'est lui qui est chargé de répandre l'odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Vous voyez pourquoi Dieu nous a appelés? Non seulement pour être des épîtres comme on a dit, on l'a dit hier, mais les gens goûteront que vraiment ça c'est Jésus-Christ lui-même. Ça c'est l'odeur de Christ. Ça c'est la nature de Christ. Ça, ce sont les pensées, la conduite de Christ. Amen. Non seulement pour le croyant, mais aussi pour ceux du dehors. Mais regardez déjà parmi nous croyants, qu'est-ce qui arrive? Posez la question aux frères. Il a été achoppé par une sœur, par un frère. Ça, c'est d'abord entre nous. Déjà dans cette assemblée, l'un répand une mauvaise odeur, l'autre répand une mauvaise odeur. Mais que dire de ceux qui sont dehors, qui attendent de voir Jésus-Christ dans ta vie, ma soeur, et dans ta vie, mon frère? C'est décevant. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous déclarons. Il continue. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donna la vie. Harufu ya buzima ile kunaleta uzima. Et qui est suffisant pour ces choses? Nani yule anatosheka juu ya bibitu vyote? Qui est capable de faire ça? Nani yule anaweza kufanya bibitu vyote? Seul le Seigneur Jésus. Paka tu Bwana Yesu. Capable de faire? Anaweza kufanya. Kufanya mtu. Il le prend. Anamubeba. Et le rend capable de devenir un parfum pour donner la vie. Anampa ile uwezo ya kuwa harufu mzuri juu kuleta uzima. Qui est-ce qui peut faire ça? Nani anaweza kufanya vile? Le Seigneur Jésus. Mais entre-temps, quand on pose la question, le Seigneur est ici. Oui. Nous sommes la seule église. Oui. Ça signifie que nous avons au milieu de nous celui seul qui fait de nous un bon parfum. Qui prend son parfum à lui, sa vie à lui, et qui sait la répandre partout. Anabeba harufu yake mzuri na buzima yake na yeye kusambaza fazi yote. Amen. Amen. Mais en ce temps-là déjà, même quand Paul parlait, hata wakati Paul alikuwa anasema, c'était juste le contraire. Ilikuwa juu kinyume ya kile kwanavyo. C'était le contraire de ce Jésus que les Corinthiens prétendaient avoir reçu. Ilikuwa ni kinyume ya ule Yesu. Parce qu'il leur même rappelle. Anabakumbusha hata kubakumbusha. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, wa Korinto wa pili sura ya 5, verset 20. Musara makumi mbili. Écoutez. Musiki. De Corinthiens chapitre 5. Wa Korinto wa pili sura ya 5. Regardez, on peut commencer au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18. Et tout cela vient de Dieu. Qui fait ça? Seul le Seigneur Jésus. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire un véritable croyant. Une véritable croyante. C'est un homme, c'est une femme totalement réconciliée avec Dieu. Un homme attaché à Dieu. Il est confondu à Dieu. Il est confondu à Christ. Quand on le voit, on sait dire que ça c'est un frère à Christ, ça c'est une soeur à Christ. Et qui fait ça? Seule l'œuvre de Golgotha est capable de faire ça. Et pourtant tous ici, nous disons que nous avons cru en l'œuvre de Golgotha. Nous sommes réconciliés. Un homme et une femme réconciliés avec Christ. On ne sait pas distinguer véritablement où est Christ et où est cet homme-là. Il est mélangé, il est confondu à Christ. Et c'est ce que nous ne sommes pas. Il continue, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Qu'a-t-il fait? Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Non seulement cela, nous faisons donc conclusion. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Vous allez dire, mais comment? Comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu vivait sa vie par nous. Comme si Dieu doit parler par chaque soeur et chaque frère. Maintenant, Dieu pour prêcher, pour manifester sa vie, sa capacité, sa nature, c'est par moi qu'il doit le faire. Est-ce qu'il en est ainsi pour chacun de nous? Si tel était le cas, je crois que le monde de Kambov ici aura soif de Dieu. On n'a pas besoin d'un grand nombre de tels élus. Un élu, là où il vit, il sait influencer tout son milieu. Et c'est ça que nous ne sommes pas. Ainsi donc nous devons nous arrêter et revoir beaucoup de choses en nous. Amen. Si réellement nous sommes réconciliés avec Christ, c'est Christ qui vit sa vie, Christ vit sa puissance, Christ vit sa nature, Christ vit sa parole et ses promesses par nous. Amen. Amen. Écoutez comment le Saint-Esprit parle. Que votre vie, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Je prends la citation 39. Il dit ceci. Nous devons, je vais le milieu là. Nous devons attirer le monde à Christ. Effectivement, l'évangile a réellement une attraction. Il n'en aura que pour ceux qui ont faim de Dieu. Ceux qui ont faim et soif, ceux-là, le Seigneur les attirera. Maintenant, écoutez comment il poursuit. Et pourtant, ils sont si nombreux ceux que le Père a attirés. Comme je disais autrefois, vous voyez la multiplication des églises ou des mouvements de prière ici, c'est une évidence que les gens ont réellement soif de Dieu et de la parole. Prenez Amos, je vous montre ça. Amos, chapitre 8. Amos, surake yamnane. Amos, chapitre 8. Amos, surake yamnane. Bantu bote abonona makanise kunazali ko shona se ni paka kutafuta makuta bale bantu bona tafuta makuta. Je construis des églises ne voyez pas qu'est-ce qui se cherche. Bantu bego na amu ya Mungu abia kweli. Je suis véritablement soif du véritable Dieu. Amos chapitre 8. Amos sura ya 8. Verset 11. Musara 11. Voici. Tazama. Les jours viennent dit le Seigneur l'Éternel. Mashiku kuna kuya wa milele Mungu. Où j'enverrai la famine dans le pays. Ile mitatuma njala muinchi. Non. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Maintenant, qui envoie cette faim et cette soif? C'est Dieu lui-même. Il suscite cette soif et cette faim dans les gens. Maintenant, regardez le verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. En ces jours-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Le véritable Dieu. La véritable parole. Mais bah, t'es pas où est-ce qu'ils vont il faut qu'il y ait des gens. Lorsqu'ils se rencontrent avec ce jeune homme, ils disent que celui-ci c'est le véritable Dieu. Christianisme. Ça, c'est le véritable christianisme. C'est pourquoi la parole est apportée. C'est pour que toi et moi comprenions combien nous sommes responsables de ce qui arrive comme échec aujourd'hui. Ce groupe que nous sommes ici est déjà suffisant pour que les gens de Cambo, les gens de ta famille trouvent le vrai christianisme. Mais maintenant, si déjà toi le frère, quand tu te retires dans ta famille, tu es favorable pour que les gens pratiquent les coutumes kassaïennes, tu es déjà un obstacle. Ouais, on a quoi ça qui zouille. Regardez comment ils vont dire. 36, 39 plutôt. Ils sont nombreux. Ceux-là que le Père attire. Qui ont faim et soif de trouver Dieu. Mais qui ne savent pas où le trouver. Parce que ceux qui sont censés être des panneaux publicitaires sont tellement aussi souillés. Est-ce que mon avis c'est clair? Avez-vous compris? Bale benye mou, beko na tafuta mou. Ceux-là qui recherchent Dieu. Bale beko na amu ya mou. Ceux-là qui ont soif de Dieu. Beko na tafuta mou bia kweli. Ils cherchent véritablement Dieu. Mais bale bana staini ku onesha mou mwakati yabu. Ceux-là qui sont censés démontrer Dieu dans leur vie. Na beko bende ku na dunye. Eux aussi sont tellement corrompus dans le monde. Maintenant les gens restent là-bas sans savoir quoi faire. Voilà pourquoi vous entendez les véritables chrétiens. Quand ils lancent ces défis-là, c'est parce qu'ils ont trouvé une véritable corruption parmi les soi-disant croyants de la vérité. À tous les niveaux. Les gens ne savent pas quoi faire. Que le Seigneur vous bénisse. Pas seulement une mauvaise odeur pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont censés avoir la vie. Entre nous ici, nous on est censés communiquer la vie les uns aux autres. Mais qu'est-ce qui arrive? Un conflit ici, un conflit là-bas. Et c'est décevant. C'est décevant. Le camp lui-même est affaibli. Ça devient compliqué. Il continue, il dit ceci. Ceux qui sont censés être des panneaux publicitaires sont tellement souillés par les choses du monde que les autres ne peuvent pas voir ce qu'ils ont de meilleur par rapport à ce qu'ils avaient avant de venir à lui. Même quand nous disons que nous allons, il faut que vous ayez quelque chose que eux n'ont pas. Il faut que vous ayez la vie que eux n'ont pas. Un niveau de vie, il est bon à banana. C'est alors que vous saurez. Mais comme on a ouvert nos mires, tous ces mouvements, nous sommes tous dans la prière. Comment est-ce que vous allez les juger? Il va te contredire. Atakupinganisha. Bon moment pour Tikasai, ouais mon moment pour Tikasai. Ils sont dans le tribalisme, toi aussi tu es dans le bon tribalisme. Bon Moubusharat, ouais Moubusharat. Ils sont dans la débauche, toi bon aussi dans la débauche. Bon Moubouis, ouais Moubouis. Ils sont dans le vol, toi également. Bon Moupolitique, ouais Moupolitique. Ils sont dans la politique, toi également aussi. Mais où est-ce que tu membre à PPRD? Ils disent que toi tu étais les membres de PPRD. Bon Mbari. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi mon toi de pêche? Tu étais un homme. Même quand tu, c'est comme je l'ai dit l'autre fois. Même si tu ne vas pas officiellement à leur réunion. Mais sur ton téléphone, tu soutiens ça. Lakini kufoni yako una saidia una kankamisha vile bitu. Amen. Amen. Tu soutiens la chose. Vous savez, quand je publie une chose, wakati natangaza pour soutenir une pratique mondaine. Je suis d'accord avec ça, non? Quand moi je mets sur mon statut ou mon, je sais pas, mon profil, quelque chose comme ça. Les femmes en pantalon. Je suis d'accord avec ça. Amen. Je suis d'accord avec ça. Je ne peux pas publier quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Vous publiez quelque chose en d'autres termes, vous êtes du même esprit. Et vous êtes d'accord avec ça. C'est comme dernièrement. Il y a eu un grand match, je crois, il y a 3-4, c'est pas 4-5 jours. Pourquoi ce jour-là, j'étais à Likasi un peu tard la nuit. J'ai vu tous les jeunes gens, que ce soit à Kikula ou en ville, une grande agitation. C'est pas à Barcelone ou Real de Madrid, quelque chose. Et j'ai été surpris. J'ai pris mon téléphone. J'ai vu des frères. Frère, Bandou. Anapibulia nani? Mavarezi de l'équipe gagnante. Anaenda kutangaza naweka pa phone yake mavarezi ya ile ekipi riwina. Mimi nasema, je suis où là-bas? Nasema niko wapi mbele hapo? Anasema hapa frère Kumbi. Si frère, si yue. Ils sont décidés à faire le contraire de ce que la parole demande. Il met sur son statut la parole, c'est l'équipe qui a gagné, c'est pas la Coupe d'Afrique, la Coupe, c'est pas, il y a eu une compétition dernièrement. Je me suis dit, c'est fini. Il y a des gens qui viennent tout simplement parce qu'il faut être dans une église, parce que c'est l'âge des églises. C'est l'âge d'appartenir à une secte quelconque. Ouais, c'est ça l'Odyssée. L'Odyssée, c'est l'âge des partis politiques, c'est l'âge d'appartenir à une quelconque association ou quoi que ce soit. Maintenant, les gens se plaisent en venant ici et s'ils considèrent que c'est aussi un groupe avec lequel je peux m'identifier. Vous aurez l'esprit de l'église. Vous n'aurez pas l'église, l'esprit de Christ. Vous croirez un autre Jésus que celui que nous croyons. Il termine. Ils vivent comme le monde. Ils parlent comme le monde. Ils chantent les mêmes chansons que le monde. Ils s'habillent comme le monde. Et puis il dit, surtout les femmes. Puis ils agissent comme le monde. Ils fréquentent des milieux mondains. Ils assistent au spectacle mondain. Kumandamano ya kidunia. Agent publicitaire. Batu wa kutangaza ba bitu ya dunia. Bale basima biyo natangaza Christ. Cette fois-là, il répand quelle odeur. Bale biyo nasambaza rufukani. Qui peut donner la vie. Ile naweza uleta uzima. Qui enfonce les gens dans la mort. Ni ile unenda kuingiza batu kabisa kabisa paka mulufu. Tout ça pourquoi? Ile yote juu ya nini? Le rejet du règne de Christ dans la vie de cet homme ou de cette femme-là. Ukatala utawalo ya Christ ndani ya maisha ule nduku ya ule dada. Parce que quand on rejette ce qui est normal, sababu wakati unakatala unatupa kile cha kizuri cha Mungu, on accepte le règne de Satan dans sa vie. Unechika utawala ya shetani maisha yake. Lakini hata vile, on appartient à un club quelconque. Uko kwa mkunji mwai fulani. Quel est ce club là? Ile mkunji le Kambo Tabernacle. Ni maskani ya Kambovu. C'est très grave, mais c'est ça la vérité. Parce que regardez, quand des hommes et des femmes, hein, frères, ont rejeté le règne de Jéhovah, ils se sont automatiquement placés sous le règne de Satan. Il n'y a pas de commune mesure, non, de juste milieu. Quand vous rejetez le règne de la parole, vous acceptez le règne de raisonnement sur vous. C'est ça que Eve avait fait dès le départ. Ne pensez pas que Satan viendra pour dire le message est faux. Non. Il sait que tout le monde ici croit que le message est la vérité. Et que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Mais, lakini, Satan, sa manière d'agir, c'est de vous glisser un peu de raisonnement seulement. Il sait qu'en acceptant un petit raisonnement, et que vous la supportez un peu bien, cela suffit pour amener toute votre foi le règne de Satan. Chini ya utawalo ya et shetani. C'est Satan qui va vous diriger maintenant. Non, ni shetani ataanza kuongoza sasa. Sasa voyez Paul éveiller l'église. Je commande Paul qu'on a la shetani anasema. Nos armes ne sont pas des raisons des armes charnelles. Masida yetu ana nous n'avons pas à combattre avec des hommes. Atuna pojo combattre avec des hommes. Non, ce sont des esprits. Ni maro. Amen. Amen. C'est comme il est dit dans Ephésiens, je crois, chapitre 6. Et les gens d'Éphèse et de Corinthe ne comprenaient pas ça. Regardez comment le Saint-Esprit parle par la bouche de Frère Branham. Le Dieu de cet âge mauvais. Pour Prédication apportée le 1er août 1965. Citation. Citation 41. Le Dieu de cet âge mauvais. Mungu wa kizazi kibaya. Qu'est-ce qu'il fait? Eko nafanya nini? Qu'est-ce fait ce Dieu-là? Qu'est-ce fait ce Satan-là? Ule Mungu, ule Shetani, eko nafanya et frère Branham dans ce commentaire dit, mkufasira kwa aje kwa ndugu Branham anasema, Laodicée c'est le seul âge déclaré être l'âge le plus mauvais. Laodicée ndio kizazi kimoa kile beko na kiita sema kizazi kibaya. Non seulement l'âge le plus mauvais. Apana tu kwa kizazi kibaya. Qui a son Dieu? Kizazi kile kiko na Mungu wake. Amen. Amen. Citation 41. Je crois que je vais me retrouver. Oui. Il dit ceci. Anasema hivi. Oh, qu'est-ce que c'est? Apparemment, aujourd'hui, c'est compliqué. Je me suis beaucoup trompé. Léo, mina kutola sana mkwandika ndika. Je peux résumer ça. Naweza kuisema mkifupi. Non, ce n'est pas ça. Il dit ceci. Eko nasema hivi. Le monde aujourd'hui. Dunia leo. A atteint le point le plus élevé, le point le plus culminant. Pour ce qui est de la religion, pour ce qui est de l'anarchie, pour ce qui est de la dépravation des mœurs, et pour ce qui est de la religion scientifique. Il dit, vous savez, que poursuit Satan? Satan ne veut pas seulement amener le croyant à rejeter toute la parole. Même le plus faible parmi nous dira non. Il laisse toute la vérité. À 99%. Et vous laisse admettre dans votre vie 1% ou 0, quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Je crois que l'autre fois, pasteur prêchant sur... je vous enverrai lire le prophète. En lisant le joint du temps de la fin, il dit qu'est-ce que fait Satan? Il laisse les gens conserver 99,9% de la vérité. Je crois que ça doit être dans les joints du temps de la fin. Et le 0, quelque chose, Satan s'y glisse. C'est la petite chose que vous supportez dans votre vie là qui causera de la peine à votre foi à évoluer. Amen. Amen. Ne pensez même pas. Vous savez, c'est comme dans l'organisme humain. Quand un microbe se glisse dans un homme, ne pensez jamais que le microbe, quand il vient, c'est un grand microbe. C'est juste une petite cellule qui commence. Mais tu donnes du temps à ce microbe. Là, le microbe commence à s'agrandir et à gagner du terrain jusqu'à vous amener à la mort. Amen. Ce qui est vrai pour la médecine n'est aussi vrai pour les choses spirituelles. Le péché Zambi n'est pas péché quand il frappe l'œil. C'est juste quand il est encore bénin. Na kumacho vous savez, souvent nous sommes attirés par des choses qui frappent. Non, le frère a commis adultère. Le frère a fait ceci, cela. Mais, fuyez votre vie, cherchez les choses bénignes dans votre vie, cherchez les choses bénignes là, qui à la longue, deviennent des grandes choses, à cause de la peine à votre foi. Et il dit, la religion scientifique, c'est laquelle l'homme comprend et connaît la parole. Connaît même ce qu'il faut faire. Mais au temps où il faut pratiquer cette chose, il commence à supporter des choses qui ne sont pas la parole. Lui qui a même la connaissance, lui qui a la compréhension, quand il supporte ça, le Saint-Esprit, connaissant que lui donne la parole entière pour être vécu, et que vous ne supportez pas la parole entière, le Saint-Esprit est attristé et se retire. Et se met à l'écart. Quand le Saint-Esprit se retire et se met à l'écart, il y a un autre esprit qui doit venir occuper la place. Et quel est cet esprit? C'est l'esprit qui vient de Dieu? Non. Regardez le type en Éden. Satan n'avait pas besoin de dire à Ève, non, ce que vous dites là n'est pas la parole de Dieu. Il a glissé quelque chose de rien. Amen. Et c'est cette chose qui a causé tous les devoirs que nous avons aujourd'hui. Même pour ce qui est de la foi, ce sont des petites choses que nous amenons dans notre foi et qui viennent du monde qui cause de la peine à la foi. Vous savez, le christianisme sous la forme actuelle est la conséquence du conseil de Nicée. C'est l'église catholique. Tout ce que nous tolérons aujourd'hui, ça a été admis par l'église catholique. Maintenant, vous savez, naturellement, un mensonge qu'on a gardé longtemps devient comme une vérité. Un mensonge qu'on a gardé, une fausse rumeur qu'on a gardé longtemps, les gens admettent la fausse rumeur comme étant la vérité. Et l'église catholique est responsable de ce faux christianisme. Et la parole est apportée pour que le faux christianisme que nous tolérons au milieu de nous soit chassé de nos cœurs. Amen. Amen. Toutes les pratiques que nous tolérons aujourd'hui, vérifiez l'origine, ça a été mise en place par l'église catholique. Et comme elle est la mère de fausses choses, jusqu'à ce jour, toutes les fausses choses que nous admettons au milieu de nous, allez dans l'histoire, vous allez comprendre que ça a été l'innovation de l'église catholique. C'est pourquoi, quand Jésus parlait aux disciples, il leur disait, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Tous ces enseignements-là pour le christianisme n'a pas de place. Toute pratique, toutes ces choses que les églises tolèrent aujourd'hui, c'est l'église catholique qui en est l'auteur. Et cela n'est pas resté seulement en dehors. Cela a atteint même ce message et les assemblées de ce message. Voilà pourquoi, quand nous en parlons, nous voulons amener notre foi, tunapenda tupeleke imani yetu, a accepter seulement ce qui vient des écritures, ichike tu mpaka bibilia inatoka maandiko, ce qui a une origine divine, ile mwanzo yayo ni Mungu, ce qui n'a pas d'origine divine, bila bina na mwanzo ya kutoka kwa Mungu, son apparence, aizuru vile biko na unoka, peu importe le raisonnement, aizuru vile utaona kufikiri, ça n'a pas de place, wewe tushe bile bitu vyote bila nafasi, na tunapasha kubitupa nje, nous avons été amenés dans ce message pour accepter seulement le règne de Dieu, pour accepter seulement le règne de la parole et de l'esprit. Nous n'allons pas accepter des choses, peu importe le prédicateur qui en donne. Nous recevons ce qui vient de Dieu et cela nous suffit. Peu importe l'influence d'un homme. C'est ainsi que vous voyez Paul réprimandant les Corinthiens à l'époque. Lui-même, Paul se met au devant de la scène. Il pose la question. Qui est Paul? Qui est Apollos? Est-ce que suis-je mort pour vous? Suis-je... Ai-je été crucifié pour vous? Et il voulait que les Corinthiens comprennent que la seule chose à considérer, c'est la parole et Christ crucifié. Et c'est ce que nous, on doit faire dans notre foi aussi. Je termine. 2 Corinthiens, je termine par cette écriture-là. 2 Corinthiens, chapitre 5. Oui, chapitre 5. Sura ya 5 wa Korinto wa 2. De Corinthiens chapitre 5. Wa Korinto wa 2 sura ya 5. Verset 14-15. Musara 14, 15. Car l'amour de Christ nous presse. Mapendo ya Kristo yanatusonga. Parce que Sababu, nous estimons, naona, nous croyons tunamini, que si un seul est mort pour tous, ya kwamba, kama mtu mwere kufa juu ya bote, tous sont donc morts. Bote basi wanaisha kufa. Maintenant regardez la raison. Mwone, et qu'il est mort pour tous, na alikufa juu ya bote, pourquoi juu ya nini, afin que kusudi, ceux qui vivent balebekonaishi, ne vivent plus pour eux-mêmes. Bashishi tena juu ya bobo wenyewe. Ceux qui croient ne doivent pas vivre leur propre vie. Ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ ne doivent pas plus vivre pour eux-mêmes. Est-ce que vous êtes là? Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Romains 14. Romains 14. Romains sura 14. Suivez. Mufate. Romains 14, verset 7. Wa Roma 14, mstari 7. En effet, kwa kuwa, nul de nous ne vit pour lui-même. Il reprend la même pensée là. Nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous devons vivre pour qui? Pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Non seulement pour le Seigneur, mais dans le Seigneur aussi. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. 9. Car Christ est mort et il est revenu à la vie. Pour faire quoi? Afin de dominer sur les morts et sur le vivant. Et aujourd'hui nous sommes le vivant sur le Christ, sur lequel Christ doit dominer, sur lequel Christ doit conduire, sur lequel Christ doit tenir comme sa propriété. Et tout ce qui est contraire à Christ, à sa parole, le vivant qui vit pour Christ ne doit pas supporter ça. Toute pratique qui ne vient pas de Christ, nous on n'accepte pas. Tout langage qui ne vient pas de Christ, nous on n'accepte pas ça. Que le Seigneur vous bénisse. Nous levons. Tutashimama shibote. Nous allons tous nous tenir debout. Nasikia Bwana Yesu. On peut chanter ça. Même sans instrument, frère. C'est combien, frère Moussa? Ça doit être 233 Nimbozamung. 233 Nimbozamung. Prions tous notre Dieu.